one day. Parents de mille, toi et moi, c'est l'ignorance. C'est grâce à cette meuf qu'on a pu faire connaissance. Souvenirs t'aurais passé, de gosse en mal de rêve, pourtant en pleine croissance. Des idées plein la tête, NTM mon adolescence. Un seul projet écrire pour justifier ma naissance. Faut des PNR, moi et mon frère, pour avoir ta tête, c'est l'effervescence. Un art de rue, un nouvel air qui te tue, qui te tue. Un. Je suis content qu'il me ferait taire, que mes rêves seraient changeants, mon micro changera en terre, mon rap en affaire. Mais si j'ai le moral changeant, si jeune et si violent, c'est parce qu'on change en statut que je préfère manger saignant. Mon but, rapper comme je me frime, écrire comme je rime, que mon stylo m'inspire le meilleur comme le pire. Mon rap me réveille le week-end, donc là j'ai couché, et le matin t'enchaîne, sous le son éclate ses chaînes. 2005, 2006, souffle sur le nuage, aperçois la lumière et tout ce mirage, en éclatant ma cage. Merci dans les trésors, parce qu'on dans le rap d'un pas d'âge. De faire du rap qui coûte cher, inestimable à combien ça coûte. Puis les soldats, on les espère, tout ça, tout. Que des bêtes jusque dans les halls, tout le monde qui BNR. BNR, Tadinho, il est mort maintenant, c'est ses pequeños, enfoiré. BNR, couche ta mère dans ses bras, j'ai lu que tu commenceras pas. T'es deux pas trop fait taire, tu fais goûter à l'enfer. Tu joueras plus la carrière, dorénavant, tu feras moins le fier. Rencontre avec BNR. Rap, c'est de mes pensées, plus de riffs dans ma session. Quant à toi, quant à ton autre son, celui qui frôle le style des grands. Une meuf de tenue au courant. L'arrivée des nouveaux-nés, y'a de la demande sur les concurrents. Notre rap, venu nous faire kiffer. Dans mes rêves, audits sont récompensés. Dans mes cauchemars, les MC m'empêchent d'atteindre les sommets. Sans oublier, je t'attends ma passion, j'arrive pas à la faire. Et j'accomplis ma mission. Car les gens sont surpris de nous voir en concert. Quand BNR soulève la foule, les bras en l'air. Le rap n'a pas de propriétaire, sinon je me serais ruiné. Et je peux te dire qu'après ces années, je serais devenu un homme d'affaires. Du costard en survêt, il n'y aura pas, tu vois. Fais le bilan du temps perdu, t'as vu. En l'utilisant, t'aurais été sûrement mieux. Quand le mat te pousse dans la pointe du cercle vicieux, celui du crocodile qui représente un monde ambitieux. Ou la virgule qui te colle à la peau, te catalogue, te crame. Quand tu crois que t'as pas de peau, les temps ont changé. Maintenant les jeunes savent se ranger. C'est parce que le daron était sage, qu'on a pu manger. Je me rappelle des vieilles images de mon passé. Sur un jour il faut tourner la page et enfin changer. Écoute, on dit c'est du concret. Viens prouver qu'on se calme avec l'âge. Si Boulogne, niveau rap en marge. Je remercie Mister Rap de m'aider à poser. Ces choses que j'ai à dire, tellement dur à exprimer. Si facile à rapper, de nos jours plus personne ne communique. Rapéodisé de sérum de vérité. Écrire sans oublier qu'un vieux assis voit mieux qu'un jeune debout. C'est parce qu'on est d'ici, on se souviendra de nous. Vote pour les valeurs sûres, pour rapper sous ta famille. Au moins je suis sûr de viser dans le mille. Aujourd'hui mise en route du studio. Pas carrière impossible, on y est, on y reste. On sortira de nos duos. Quand je m'entraîne pour aller plus haut. Jusqu'à plus possible, faut demander les restes. Faut se faire des rap des plus crédits. C'est plus qu'au cerveau cynique que j'ai l'album comme cible. J'écris au bureau, très loin des cartes. J'ai dédicace à mon voisin les Moulineaux. Quoi que t'es à dire, n'oublie jamais de l'écrire. C'est le casier ta mémoire, quand le bédo s'en empare. C'est la preuve de tes pensées, plus qu'une main courante. Une autre impossible à effacer. Effacer. Océane, océane. Rien à foutre de vos reproches, rien à foutre des jaloux. Si je rappe c'est pour mes proches, j'ai jamais été un mec chelou. Malgré que je tape comme un fou, j'ai toujours rien dans mes poches. Et c'est au rap que je m'accroche, je vous bobisse pour que j'empoche. La fin, ça change si possible, un rap si visible. Que les bacs et les journaux ont pris possible. Donc j'ai ta mère dans ses bras, dis-lui tu recommenceras pas.